Dixième chapitre. C'était un samedi, jour ordinairement choisi pour les mariages dans les classes laborieuses. Se conformant à cet usage, cinq douarnenésiennes faisaient consacrer leur union avec cinq douarnenésiens. Les cinq cortèges, peu nombreux du reste, s'échelonnaient le long de la rue principale, se rendant à l'église, de sorte que les Parisiens, en train de se communiquer leurs impressions sur cette bâtisse moderne et sans caractère, eurent le plaisir de voir défiler les cinq noces. La première devait être la plus riche. La mariée, en robe de cachemire blanc, portait une coiffe de fine dentelle et un crêpe de Chine richement brodé, retenu dans la bavette de son tablier de soie blanche, fleuri d'un bouquet d'orangers. Les femmes de la suite, en noir avec de petits châles de couleur brodées ou garnis de dentelles, et des tabliers de soie claire. Les autres mariées étaient vêtues, comme leurs invités, du costume du pays. La plus élégante arborait un mirifique tablier de moire, fraise écrasée, alourdi d'épaisses dentelles blanches froncées autour, et un châle de blonde blanche. Quant aux hommes, ô influence du luxe à bon marché, ils se dandinaient auprès de leurs compagnes, assez embarrassés de leur chapeau haute forme et de leur complet de cérémonie de la belle jardinière. On se serait cru dans une banlieue parisienne, d'autant plus que, laissant les intéressés à leurs petites affaires, les messieurs ressortirent incontinent et se dirigèrent vers un débit afin de se rafraîchir en attendant que la cérémonie fût achevée. Madame Thouvenin trouva que cela manquait de couleur locale, et Siegfried en prit occasion d'émettre cette opinion pas très neuve que la civilisation s'impose d'abord par ses vilains côtés. Voulait-il parler des débits ou des complets de cérémonie de la belle jardinière? C'est ce que personne ne lui demanda. Arrêtés au bord des rochers sur lesquels s'élève la ville, les promeneurs dominaient la vaste baie de Douarnenez et, comme lui faisant une ceinture, d'un côté le petit port de Tréboul, l'île Tristan qui porte un phare de quatrième ordre, la côte accidentée qui s'étend jusqu'à la pointe du vent et la baie des Trépassés. De l'autre, le port formé par l'embouchure du Poul David, une campagne riante enfermée dans un amphithéâtre de collines rocheuses, dont la plus haute est le Ménéum, et en face, les rochers de Morgat et ceux de la pointe de la Chèvre. Douarnenez est un port de pêche assez important. Il abrite 800 bateaux qui occupent 4000 pêcheurs. La seule pêche de la sardine produit près de 10 millions de francs. Cependant, la ville de Douarnenez a dû perdre beaucoup de sa splendeur antique. Je puis bien m'exprimer ainsi, ajouta Siegfried après une légère hésitation. La voie romaine qui allait de Carhaix à la pointe du Raz, la Via Aes, route de l'eau, y passait, d'où l'on est en droit de conclure que ce pouvait être alors un centre commercial. Elle a souffert sans doute, comme Audierne et Pinmar, de l'éloignement de la morue, et de même que ses deux voisines, elle fut ravagée par le terrible Fontenelle. Les pierres de ses murs et de ses maisons servirent à fortifier les murs de l'île Tristan dans laquelle le bandit s'était établi. « Vraiment ? » fit Madame Thouvenin, et elle descendit légèrement vers le port du Guet pour se rendre à l'île. Il faut croire que la marée n'était pas encore assez basse, car il eût été difficile de l'atteindre à pied sec. On prit donc un bateau. Cinq minutes après, on mettait pied à terre au bas du chemin qui monte jusqu'au phare, entre des jardins ombragés. On alla jusqu'au petit fort pour pouvoir mieux embrasser du regard l'admirable baie de Douarnenez qui, de la pointe du vent à celle de la Chèvre, mesure 70 à 80 kilomètres de circonférence. La promenade ne parut pas distraire énormément Madame Thouvenin, mais elle donna deux joies à Siegfried, celle de contempler pendant quelques minutes cette grande nappe d'eau toute parsemée de bateaux de pêcheurs et celle de récolter un fort bel échantillon de pyrole à feuilles rondes. On remonta en bateau et l'on rentra à Douarnenez pour aller jusqu'à Ry, jolie plage dont les calmes flots découvrent parfois, à marée basse, des vestiges de la puissante cité d'Is. Ce n'est pas seulement cette crique, c'est aussi la baie de Douarnenez tout entière, qui s'est creusée au 5e siècle de notre ère, par suite d'un affaissement du continent. « Enfin, monsieur Siegfried, disait madame Thouvenin, que pensez-vous de cette histoire de ville disparue? N'est-ce pas étrange ?»« Étrange, oui, pour nous qui vivons à une époque d'inactivité du globe. Incroyable, non. Il faudrait pouvoir vérifier par des sondages le témoignage du chanoine Moreau et celui plus récent de Cambry. » D'après le premier, on voyait en 1586, à l'entrée de la baie de Douarnenez, des restes d'édifices ayant tous les caractères d'une haute antiquité. Il n'était pas rare de découvrir sur le rivage des cercueils de pierre creusés, comme on en faisait au IVe et au Ve siècle, époque supposée de la destruction d'Is. Suivant le second, l'honnête Hervé Chenet, municipal et pêcheur de Douarnenez, avait trouvé des murs à la pointe du Raz à 4 ou 5 brasses de profondeur. Enfin, ajoute encore Cambry, dans les fortes tempêtes, quand les sables sont enlevés par les fureurs de l'ouragan, on aperçoit au fond de la baie de larges troncs d'ormeaux d'une couleur noire dont la position a une apparence de régularité. La légende a fait tort à l'histoire. En présentant la destruction d'Is comme une vengeance céleste, elle a jeté des doutes sur le fait réel qui lui avait donné naissance. Gralon, roi de Cornouailles, avait, dit-on, une fille belle comme la beauté et perverse autant que belle, la princesse Aès ou Dahu. Le roi avait souvent promis de punir les crimes de sa fille, mais l'amour paternel l'avait toujours rendu trop indulgent. Craignant cependant qu'il ne tînt sa parole, la princesse organisa une révolte contre lui, s'empara de la clé d'argent qui servait à ouvrir l'écluse, de la formidable digue par laquelle la ville était défendue contre l'océan, et relégua le vieux roi dans un palais où n'arrivait aucun bruit du dehors. Dès lors, les désordres d'Aès et de sa cour n'eurent plus de bornes. Un soir, comme le vieux roi, plus triste encore qu'à l'ordinaire, méditait seul auprès de son foyer éteint, Guénolé, le saint abbé de Landévennec, ce monastère donné par Gralon aux disciples de Corentin, parut soudain devant lui. Aès avait ouvert les portes de l'écluse. Les vagues se ruaient sur la ville, détruisant tout sur leur passage. Le saint venait sauver le roi. Le tendre père ne voulut pas abandonner sa fille. Il la prit en croupe et s'élança au grand galop de son cheval, fuyant devant la mer qui courait furieuse derrière lui et le gagnait de vitesse. « Roi, s'écria saint Guénolé, si tu ne veux périr, repousse le démon que tu portes derrière toi. » Aès se sentit défaillir. Elle ferma les yeux et tomba dans les flots qui s'arrêtèrent aussitôt. Mais à la place de la riche cité dans laquelle le cèdre, le marbre et l'or remplaçaient le chêne, la pierre et le fer, il n'y avait plus qu'une vaste baie tranquille. « Cette fois, mère, fit remarquer Emmanuel, si tu connaissais le sujet comme moi, ce ne serait pas l'abus des détails que tu reprocherais à monsieur Siegfried, mais bien l'abus de la concision, à moins cependant que sa légende ne soit pas la même que la mienne. Allons, dis la tienne. Nous comparerons ensuite avec celle de monsieur Siegfried. Celle d'Albert de Morlaix, madame. Presque une chronique, alors. Je doute fort que la tienne ait la même authenticité, mon pauvre enfant. Pourquoi pas? La voici. Dans les temps anciens, il y avait en Cornouailles un roi puissant qui se nommait Gralon. C'était un homme aussi ami du bien qu'aucun fils d'Adam et qui accueillait à sa cour tous les gens de renom, qu'ils fussent nobles ou roturiers. Malheureusement, il avait pour fille une princesse de conduite déréglée qui, pour échapper à sa surveillance, était allée habiter la ville d'Is à quelques lieues de Quimper. Un jour que le roi Gralon chassait avec sa suite dans la grande forêt qui s'étend au pied du Ménéum, il se perdit et arriva, suivi de toute la chasse, à l'ermitage du solitaire Corentin. Le roi se réjouit d'avoir été conduit dans la demeure d'un homme dont les vertus lui étaient connues, mais les serviteurs mourant de faim regardaient tristement la pauvre logette du saint, murmurant entre eux qu'il leur faudrait sans doute souper d'oraison. Ils furent bien trompés, car le saint, ayant coupé un morceau d'un petit poisson qui nageait dans une fontaine auprès de l'ermitage, épuisé de grandes carafes d'eau, le roi, ses cavaliers et ses serviteurs furent tous abondamment nourris et abreuvés d'un vin plus doux que le miel. Gralon fut averti de ce miracle par son cuisinier et son échanson qui lui montrèrent, pour comble de merveille, le petit poisson frétillant dans l'eau claire, aussi sain et entier que si le couteau du saint ne l'eût jamais touché. C'est alors que le roi saisit d'admiration et trouvant que la place de Corentin n'était pas en ce lieu retiré, lui fit don de la ville de Quimper, l'en nomma évêque et vint habiter la ville d'Is. Celle-ci s'élevait à la place même où l'on voit aujourd'hui la baie de Douarnenez. Elle était si grande et si belle que, pour faire l'éloge de la capitale des Gallos, les hommes de l'ancien temps n'ont rien trouvé de mieux que de l'appeler par Is, les Galles d'Is. Elle était bâtie plus bas que la mer et défendue par des digues dont on ouvrait les portes à certains jours pour faire entrer et sortir les flots. La princesse Dahu, fille de Gralon, portait, suspendues à son cou, les clés d'argent de ses portes. C'est pour cela que le peuple l'appelait la princesse de l'eau, Aléuès ou Aès. Comme c'était une grande magicienne, elle avait embelli la ville d'ouvrages qu'on ne peut demander à la main des hommes. Tous les korrigans de Cornouailles et de Vannes étaient accourus pour travailler sous ses ordres. Les dragons marins lui étaient si soumis qu'elle en avait donné un à chaque habitant de la ville qui s'en servait pour aller chercher au loin les marchandises rares ou pour atteindre les vaisseaux étrangers. Tous ces bourgeois étaient devenus si opulents qu'ils mesuraient le grain avec des mesures d'argent. Mais la richesse les avait rendus vicieux et durs. Ils passaient les jours et les nuits dans les auberges, les salles de danse, les spectacles, uniquement occupés de perdre leur âme. Dahu donnait l'exemple. Les fêtes se renouvelaient sans cesse dans son palais où se pressaient les gentilshommes des pays les plus éloignés. Gralon recevait les seigneurs étrangers avec amitié, Dahu encore mieux. Elle leur donnait un masque magique avec lequel ils pouvaient pénétrer dans la tour qu'elle habitait au bord des écluses. Ils se démasquaient pendant les fêtes que la princesse donnait toutes les nuits dans sa tour. Le matin, à l'heure où les hirondelles de mer commencent à voltiger, ils reprenaient leur masque pour sortir. Mais cette fois, le masque enchanté se resserrait et les étouffait. Un homme noir prenait le corps mort, le mettait en travers sur son cheval et l'allait jeter dans un gouffre près de Huelguat, où l'on entend encore, pendant les nuits de tempête, les gémissements des victimes de Dahu. « Mais c'est la tour de Nel que tu nous racontes là, mon cher enfant. Continue, j'ai hâte de voir ta princesse punie comme elle le mérite. Je suppose aussi que tu as introduit Saint Corentin dans la légende afin de lui faire jouer un rôle décisif. Que disait-il de Dahu et de sa cour ? Il avait averti plusieurs fois Gralon que la patience divine était à bout. Mais le roi, dépouillé de sa puissance, était abandonné de tout le monde, comme un grand-père qui a livré son héritage à ses enfants. Dahu ne tenait aucun compte de ses paroles. Or, un soir qu'il y avait fête chez la princesse, on lui annonça un prince puissant. C'était un homme de grande taille, tout vêtu de rouge et si barbu qu'on voyait à peine ses yeux qui brillaient comme des étoiles. Il adressa à Dahu un compliment en vers si bien tourné qu'aucun Basse-Lavaine de Cornouailles n'aurait pu en inventer un pareil. Puis il se mit à parler avec tant d'esprit que tout le monde en demeura émerveillé. Ce qui frappa surtout les amis de Dahu, ce fut de voir combien l'étranger était plus habile qu'eux dans le mal. Ils reconnurent qu'il était leur maître et résolurent de prendre des leçons de ce prince barbu. Pour commencer, il leur proposa un branle nouveau et fit entrer un sonneur qu'il avait amené. C'était un petit nain, vêtu d'une peau de bouc et portant sous le bras un biniou dont le chalumeau lui servait de canne. À peine se fut-il mis à sonner que Dahu et ses gens entrèrent en danse, tournant comme des tourbillons de mer. L'inconnu en profita pour enlever les clés d'argent à la princesse et pour s'échapper de la fête. Pendant ce temps, Gralon était seul dans son palais, assis sur l'âtre près d'un feu éteint. Il sentait la tristesse lui tomber sur le cœur lorsque Saint Corentin parut sur le seuil de la porte. « Levez-vous, grand roi, » dit-il à Gralon, « prenez ce que vous avez de plus précieux et fuyez. » Gralon, effrayé, appela quelques vieux serviteurs, prit son trésor et, monté sur son cheval noir, il suivit le saint. Au moment où il passait auprès de la digue, il entendit un grand mugissement de flots et vit l'étranger occupé à ouvrir toutes les portes des écluses. La mer descendait en cascade sur la ville. Gralon voulut jeter un cri d'avertissement. « Fuyez !» répéta le saint. Il passait devant le palais de Dahu. Celle-ci, les cheveux épars comme une veuve, s'élança derrière son père. Le cheval fléchit subitement et l'eau monta jusqu'aux genoux du roi. « À moi, Saint-Corentin » cria-t-il épouvanté. « Secouez le péché que vous portez derrière vous, » répondit le saint, « et vous serez sauvés. » Gralon hésitait. Le saint toucha Dahu à l'épaule avec sa crosse d'évêque. La princesse glissa dans la mer et disparut au fond du gouffre qui porte encore son nom. Le cheval, délivré de son fardeau, s'élança en avant et atteignit le rocher de Carhaix sur lequel l'empreinte d'un de ses fers resta marquée. Le roi se tourna vers Iss, mais il chercha en vain la reine des mers. Là où il y avait quelques instants auparavant un port, des palais, tant de richesses et de milliers d'hommes, on ne voyait plus qu'une baie profonde qui reflétait les étoiles. D'après Émile Souvestre, Le Foyer Breton. Ce récit les conduisit jusqu'à l'hôtel. En quittant Quimper, Madame Thouvenin y avait laissé ses bagages et une superbe collection d'algues recueillies à Concarneau, son intention étant d'y revenir après avoir vu Douarnenez et d'aller en chemin de fer jusqu'à Brest. Elle calcula qu'en prenant un bateau pour traverser la baie, elle gagnerait une demi-journée au moins et décida qu'on irait à Brest par mer. Emmanuel aimait tant les promenades en mer. « N'est-ce pas, cher mignon ? Tu es trop malade, mère. Je ne le serai pas. Allons, viens. » Tant qu'elle put, elle fit bonne contenance. Elle feignit de prendre de l'intérêt à la composition de la rogue, ce mélange d'œufs de morue, de graines oléagineuses et de pâtes de sauterelle qui sert d'appât pour la pêche à la sardine et dont l'odeur lui soulevait le cœur. Malgré sa vaillance affectée, elle était étendue inerte avant qu'on eût perdu de vue l'île Tristan. À un moment, la barque se coucha sous l'effort du vent. Madame Thouvenin se sentit glisser. Elle pensa qu'elle allait tomber à la mer et qu'elle serait incapable de faire un mouvement pour se retenir. Le patron racontait la pêche. Le départ une heure avant le lever du soleil, la barque filant doucement, doucement. Les pêcheurs silencieux jetant l'appât, laissant glisser leur filet et le traînant, toujours sans une parole, sans un geste trop brusque, de peur d'éloigner le poisson. Quand on voyait la corde se tendre, tirée par le poids de la prise, on remontait le filet bien lentement et on le vidait dans le fond du bateau. Alors on jetait du sel sur la sardine, parce que c'est un poisson si délicat qu'on ne peut pas même le conserver frais pendant quelques heures. On ne la vendait déjà pas si cher pour risquer d'en perdre faute de soins. 6 sous le cent, si c'était pas un malheur. On avait beau travailler plus que le soleil, une heure avant lui et une heure encore après, la vie devenait dure. Il ne se taira donc point, pensait Madame Thouvenin qui, dans sa souffrance, croyait sentir chaque mot prononcé par cette voix rauque et lente lui marteler le cerveau. Un silence se fit. « Enfin !» se dit-elle, et elle poussa un soupir de soulagement. « Bon, voici Emmanuel qui reprend la causerie. Il demande si l'on ne pourrait pas continuer ainsi jusqu'au Conquet. On verrait à la pointe de la Chèvre la grotte du Charivari et le pont naturel, dit le château de Dinan. » Oui, on pouvait sortir de la baie et aller au Conquet quand on avait le vent et le courant pour soi. Le vent, c'était pas ça qui manquait. On en avait même plus qu'on en aurait voulu. Quant au courant, fallait se méfier à cause de l'heure du flot. Pour eux, ça ne leur faisait rien. Ils étaient habitués au gros temps. En tout cas, on verrait à Morgat. C'était probablement tout vu pour lui, car il se tut à partir de ce moment, pénétra dans l'anse de Morgat et aborda, sans entrer dans de nouveaux pourparlers, au sujet du Conquet. Il fallut aider Madame Thouvenin à mettre pied à terre. Elle ne pouvait plus se soutenir. Elle n'oublia point pourtant le désir formulé par son fils et dit « Nous arrêterons-nous ici ?» Le patron répondit qu'il serait imprudent de doubler la pointe de la chèvre et que lui-même tâcherait de trouver un peu de poisson sans aller jusque-là. Morgat a des hôtels d'un certain aspect, une petite plage de sable fin sur laquelle sont rangées des cabines assez nombreuses pour donner à penser que ces bains sont fréquentés. Morgat a surtout ses rochers et ses grottes, dont les plus remarquables sont celles de Sainte-Marine, qui s'ouvrit miraculeusement, dit-on, devant des pêcheurs en détresse. La cheminée du diable, la grotte de l'hôtel qu'on visite en bateau et qui a 40 mètres sur 15. Un omnibus bondé, traîné par un cheval fourbu, que conduisait un vieux bonhomme à peu près ivre et tout à fait sourd, amena les voyageurs aux frettes par Crozon, juste à temps pour prendre place dans un petit vapeur poussif et encombré qui les conduisit à Brest. Siegfried, jouant habilement des coudes, parvint à placer son élève convenablement pour lui faire voir le goulet et lui nommer les bateaux-écoles à mesure qu'on les apercevait dans la rade. Du port de commerce où ils abordèrent, un escalier monumental les conduisit au cours d'Ajot, la plus belle promenade de la ville, d'où ils gagnèrent la rue de Siam, qui leur parut interminable, sous l'averse accompagnée d'éclairs, qui les avait surpris au milieu de la rade et n'avait pas encore cessé. « À quelle heure par la voiture du Conquet ?» Tels furent les premiers mots de Madame Thouvenin en entrant à l'hôtel. « Elle est partie, madame. » Il y en a une tous les jours, sans doute. Combien de départs? Quelquefois deux, ça dépend. En tout cas, il y en a toujours un le soir à 4 heures. Il faut retenir les places d'avance, au bureau. Tout fut bientôt réglé. Siegfried irait le lendemain à Quimper pour chercher les bagages. Il arriverait le surlendemain matin au Conquet, d'où l'on repartirait le soir. La 10e averse de la journée... Il en tombe quelquefois 15 à 20 le même jour dans la bonne ville de Brest, où il pleut en moyenne 180 jours par an. La 10e averse, disons-nous, ayant cessé, on put faire un tour par la ville. La rue de Siam est la principale rue de la ville, la plus commerçante et même la plus belle, quoiqu'elle parût assez laide aux trois Parisiens. Ils arrivèrent au pont tournant qui franchit le port militaire, unissant cette rue au faubourg de Recouvrance, au moment où la manœuvre commençait pour le refermer. Ils suivaient émerveillés la majestueuse évolution des longues volées, tournant sur leur axe de rotation au moyen d'énormes galets, 50 sur chaque pile. 4 hommes seulement suffisaient pour mettre cette lourde masse en mouvement et ils eurent achevé la manœuvre en 20 minutes. Siegfried expliquait en même temps qu'il regardait. Il donnait des poids, des longueurs. Quel homme, universel, absolument universel, et parlant de tout en termes techniques, un ingénieur n'aurait pas mieux exposé le système des poutres longitudinales reliées, entretoisées, contreventées par des systèmes de renforts verticaux et longitudinaux qui assurent la rigidité. Et ce qu'il y avait de plus remarquable, c'est qu'il comprenait tout cela. Très intéressant, fit Madame Thouvenin en s'engageant sur le pont. En revenant de Recouvrance, ils allèrent voir le château, puissante forteresse bâtie au Moyen-Âge et modifiée par Vauban. Du haut du cours d'Ajot, ils regardèrent le port de commerce. La rade où se balançaient sur leurs ancres le Borda, le Vulcain, l'Iphigénie et les autres vaisseaux-écoles, et plus loin les trois goulets qui séparent la rade de l'océan. L'arsenal de l'Orient leur avait laissé une trop pénible impression. Ils ne voulurent pas visiter celui de Brest. Rien ne les retenait non plus. Chacun put prendre sa voie le lendemain. Dire qu'il y a une heure de départ pour le Conquet, c'est s'avancer beaucoup. Il est certain qu'on part. Quand ? C'est autre chose. Il faut que le train de Paris soit arrivé, que les voyageurs soient prêts, et le cocher aussi, et la voiture, et le supplément, et le cocher du supplément. Ce jour-là, la distribution des prix aux petits mousses de l'Iphigénie compliquait beaucoup les choses. De quelque façon qu'on s'y prit, pour faire concorder le nombre des voyageurs et celui des places, on n'arrivait jamais à un résultat satisfaisant. Enfin, quand on eut empilé une 20aine de personnes dans la grande diligence de 16 places et 12 seulement dans un petit break de 6 places, on partit avec 3 heures de retard. De Brest à Saint-Pierre-Quilbignon, 3 kilomètres, on les parcourut en 2 heures, pas une minute de plus. Mais aussi, quelle royale lampée s'offrirent les bonnes femmes de la diligence, et le cocher, et les petits mousses, et le quartier maître qui les conduisait. Et quel royal chemin de bonne beuverie! Pas une maison qui ne soit un débit ou ne porte une de ces consolantes enseignes, cidre à emporter. Ici, on donne à boire. Ah, elles n'étaient plus closes, ces lèvres bretonnes qu'on dirait ne devoir jamais s'ouvrir. Comme elles se rattrapaient de leur habituel silence, les dames de la diligence. Et les mousses, quelle belle chanson! Encore une ferme au refrain. Eh, les mousses, on n'engendre pas la mélancolie à bord. Ils étaient 21 juchés sur le sommet de la diligence. Depuis Saint-Pierre-Quilbignon, le cocher se moquait du règlement. Tous les repoussés de Brest étaient devenus des élus. Encore une petite place en se serrant, et sans doute que le cidre amincit, car on faisait de nouvelles recrues à chaque débit. À force de mettre un pied devant l'autre, on arrive au bout du chemin, dit le vieil adage breton. C'est ce qui se produisit pour les chevaux qui s'arrêtèrent sur la place du Conquet vers 11 heures du soir, après s'être arrêtés vers la fin de la route à peu près tous les 200 pas pour laisser descendre quelqu'un. L'ami de Madame Thouvenin la reçut à bras ouverts et lui fit les honneurs du pays avec un empressement digne d'un meilleur succès. Le matin, on traversa le petit bras de mer qui sépare le Conquet de la presqu'île de Kermorvan pour aller à la plage des Blancs Sablons. L'après-midi, on se rendit à la pointe Saint-Mathieu. 2 heures de marche sous un soleil brûlant, à travers des goémons pourrissants, ne parurent pas à Madame Thouvenin le comble de l'agrément, et le retour par l'Ocrist ne diminua pas son ennui. Devant une porte, une femme, accroupie auprès d'un tas de fumier d'où découlait le purin, pétrissait des deux mains quelque chose que la jolie femme ne s'expliquait pas. Heureux les gens de l'Escoffe, ils ont encore de la lande pour se chauffer et faire cuire leurs aliments. Ceux de l'Ocrist n'ont pas même un brin de bruyère. Rien ne pousse sur les rocs arides de la pointe Saint-Mathieu. Les femmes pétrissent de la paille hachée avec la bouse de vache. Quand le mélange est suffisamment compact, elles le plaquent sur les murs pour l'y laisser sécher. C'est là tout le combustible des habitants de l'Ocrist. Demain, nous prendrons un bateau pour aller à Ouessant et nous pourrons admirer les roches noires. Demain, répondit Madame Thouvenin, je prendrai une voiture dès que Monsieur Siegfried sera arrivé et je m'en irai. Comment, vous ne me resterez pas quelques jours? Le pays est ravissant, vous n'avez rien vu encore. Le pauvre Siegfried ne vit ni Ouessant, ni les roches noires dont il avait entendu parler si souvent, ni Saint-Mathieu, avec son église en ruine et son phare, ni le dragage des goémons à marée basse et leur transport dans des chars étroits dont les roues ont des jantes plates et larges, ni les fabriques d'iode et de soude, rien, rien. Il partit aussitôt arrivé. Le lendemain, il eut juste une demi-heure pour admirer le curieux Pardon de Plougastel, faire ses efforts pour découvrir un des pittoresques costumes du pays et apprécier cette délicieuse vallée si bien cultivée du côté de l'Élorne, si sauvage de l'autre. Il aperçut un homme coiffé d'un bonnet rouge, un autre vêtu d'une veste bleu clair, qui le laissa tranquillement se tromper de chemin et constata que les femmes ont abandonné, au moins tous les jours, la robe Louis XIII et le fichu de batiste garni de dentelles. « C'est assez pittoresque, » daigna dire Madame Thouvenin en montant le chemin taillé à travers un petit bois semé de hautes roches grises. « C'est original, » dit-elle devant le calvaire, et elle alla s'asseoir sur une pierre, sans accorder un seul regard au bas-relief où sont sculptées des scènes de la vie de Jésus, ni au drame de la Passion représenté par plus de 200 statuettes, pas plus qu'à l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, avec un cortège de paysans bretons conduits par un biniou. Emmanuel trouva qu'on partait bien vite. Il ne le dit pas, se souvenant de l'inutilité de ses instances au Conquet, mais en remontant en wagon, il jeta un regard de regret sur la Bretagne et aussi un regard de désir, car il y laissait une espérance et souhaitait d'y revenir. « Enfin !» dit Madame Thouvenin. Son espérance à elle, c'était un long repos dans son confortable logis.